On va enchaîner avec un autre morceau qui s'appelle Primitive, du même album. D'après Cage, en fait, toute ambition de création future doit donc passer par l'assèse que constituent l'écoute et l'interrogation du silence de l'univers où, à défaut d'un langage ou d'un art nouveau, les hommes trouvent un lieu provisoire de communication. La meilleure communication que les hommes obtiennent est dans le silence. Voilà, je vous recommande donc de passer par votre silence, votre blanc intérieur. Et on va enchaîner avec un morceau qui est le numéro 11 de La Plage, de toujours ces albums de Complete Piano Music de John Cage, donc édité en 97. c'est la plage numéro 11 qui s'appelle Roots. La plage numéro 16 qui s'appelle Route of a Non-Focus. Voilà, c'était un morceau qui s'intitulait Roots of an Unfocus de l'album Complete Piano Music de Cage. On va changer un petit peu d'ambiance puisqu'on va écouter des choses pour piano et orchestre de chambre, piano préparé, issu d'un album qui s'appelle The Seasons, qui a été édité en 2000. Voilà. On va écouter un morceau pour commencer qui s'intitule 74. 74, en fait, ça se réfère aux 74 musiciens de l'American Composer Orchestra, auquel John Cage dédia l'œuvre, ainsi qu'à ses fondateurs. En fait, l'œuvre fait partie d'un cycle entamé en 87 des pièces pour numéro. Dans le titre, à chaque fois, c'est le nombre de musiciens qui sont impliqués dans cette œuvre. La partie que chaque joueur, elle n'est composée que de 14 sons isolés, dont le volume est à l'appréciation de chacun et qui ne représente aucune difficulté d'exécution, pardon. Comme dans plusieurs autres compositions de Cage, il s'inspire au départ d'une durée totale contrôlable au moyen d'un chronomètre, donc dans cette pièce de 74 de 12 minutes. Il définit pour chaque son un cadre temporel dans lequel il doit commencer et s'arrêter. Un son avec les indications 0, 0 minutes 0 secondes, 0 minutes 45 secondes par exemple, etc. Le son peut commencer n'importe quand, dans un premier laps de temps, et finir n'importe quand dans le second. Dans les deux intervalles superposés, les sons peuvent être aussi bien très longs que très courts. Donc on va écouter ce morceau, on va peut-être pas l'écouter en entier, il fait 12 minutes. Voilà, c'est parti. Dans ce morceau, chaque son est défini par son cadre temporel, uniquement. Et chaque musicien a deux voix différentes, une pour les sons graves, une pour les sons aigus. Comme dans d'autres œuvres de Cage, en fait, restriction et liberté se mêlent les unes aux autres et entraînent des résultats musicaux guère imaginables autrement que par cette façon-là. Mais concrètement, à toute expérience scientifique dont l'essence réside dans une préparation précise, dans le caractère identique des conditions, dans la reproductibilité et la valeur générale, l'approche expérimentale de Cage prend d'emblée des données souvent variables pour aboutir à quelque chose qui ne peut être répété et qui n'est qu'une fois. J'aime beaucoup cette image. L'écoute de ce morceau est telle la contemplation d'un fleuve depuis la berge, la contemplation du large et l'encourant musical, sans cesse changeant et sans cesse prenant des teintes nouvelles. On va écouter un autre morceau de cet album, assez différent, qui est la troisième partie du concerto pour piano préparé et orchestre de chambre. Thank you. Voilà, c'était la troisième partie du concerto pour piano préparé et orchestre de chambre de John Cage dans l'album The Seasons. On va changer d'ambiance un petit peu, puisqu'on va écouter un morceau maintenant de Morton Feldman. C'est un pianiste compositeur américain notamment, qui est né en 26 dans le Queens et mort en 87 à Buffalo aux États-Unis. On va écouter un morceau qui s'appelle Two Piano. C'est un morceau pour deux pianos. C'est interprété par Marcel Bergman et Jeroen van Veen. C'est un album qui s'appelle Minimal Piano Collection qui est sorti en 2010. Voilà, je vous laisse découvrir. J'aime beaucoup personnellement. Thank you. Morton Feldman est notamment célèbre pour des œuvres très longues, souvent d'un seul mouvement, d'une durée qui peut être d'une demi-heure, mais parfois bien plus longue. Dans leur continuité, ces pièces ne changent pas de mode et se caractérisent par des superpositions imperceptibles de sons, le tout dans un climat de quiétude sonore. Il a expérimenté des systèmes de notation inédits, utilisant des grilles par exemple dans ses partitions, ou spécifiant des notes, comment les notes devaient être jouées mais sans indiquer lesquelles. Il a expérimenté des choses comme utiliser le hasard dans la musique en s'inspirant du travail de Cage. Il s'est beaucoup inspiré des peintures de l'expressionnisme abstrait des années 70. La fin de l'émission approche, il nous reste 10 minutes. Je vais vous dire quelques mots quand même de l'agenda des sonophages et des rencontres, des événements qui auront lieu dans le mois qui vient. Il y a notamment le printemps de septembre. Ça a commencé hier soir, le 23 septembre, et ça dure un mois. Ça finit le 23 octobre. Il faut vraiment aller voir sur le site du festival. Il y a beaucoup de choses. Il y a des expositions, il y a de la peinture, il y a de la danse, il y a des concerts. Il y a des performances, c'est très varié, je crois que c'est très beau. On va essayer de voir si on peut vous préparer quelque chose pour la prochaine émission du 10 octobre avec un représentant du festival ou avec des musiciens qui interviennent dans ce festival. Il y a également un autre festival qui s'appelle Match & Fuse qui a lieu à Toulouse du 29 septembre au 3 octobre. Pareil, il faut aller voir sur le site Match & Fuse à Toulouse. Ça commence donc jeudi 22 à la Fabrique. Il y a la pause musicale également le midi avec Leila Martial et Valentis Ecaldi à Paraté. C'est à 12h30 à la pause musicale. C'est dans la salle Rémusa, je crois, à Toulouse. Ou salle du Sénéchal, rue Rémusa, pardon. Vendredi 30 septembre, il y a pas mal de choses également. Ça se passe à la salle Le Cap à l'Université Paul Sabatier. Il y a également le samedi à Meix-Armerie, c'est une grosse soirée avec Host Chestra, avec Parquet, avec Strobs, avec Alfie Reiner, avec Tani Dual. Énormément de choses cette soirée-là du 1er octobre à Paraté. C'est chez Meix-Armerie. Voilà, il faut aller voir sur le site du festival. C'est Match & Fuse du 29 septembre au 3 octobre. On va peut-être terminer cette émission avec un autre morceau de cet album Minimal Piano Collection, un morceau composé cette fois par les interprètes que sont Marcel Bergman et Roran Van Veen, accompagnés par deux autres personnes que sont Adams Bergman et puis également, comment elle s'appelle, raté, je ne le trouve plus... Sandra Van Veen, bien sûr. Voilà, c'est un morceau pour quatre pianos qui s'appelle Back in Strings pour quatre pianos. Voilà, on va se quitter avec ce quatrième morceau de l'album Minimal Piano Collection de Jeroen van Veen, qui s'appelle Back in String pour 4 pianos. Album édité en 2010. On se retrouve dans 2 semaines, le 8 octobre, à 10h également. Mes références, c'était, j'ai cherché dans Wikipédia, sur le net, pas mal d'infos sur Morton Feldman, John Cage. Également dans la revue La Licorne, les cahiers en ligne, littérature et esthétique. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine. Portez-vous bien. Allez écouter des choses dans les festivals également. Il y a énormément de choses ces 3 semaines qui arrivent là, à Toulouse et dans les environs. À très bientôt.